بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد donc on continue là où on était arrivé la dernière fois et on est arrivé à l'endroit où يعني après avoir expliqué le verset يعني qui explique يعني les caractéristiques de ceux qui aime Allah et de ceux qui et ce que Allah aime, et bien là le cheikh il mentionnait les causes qui font que Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, et il a mentionné justement les 10 points que l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyah rahimahullah a mentionné, et il les a énumérés un après l'autre. Donc il a commencé à expliquer en commençant par le premier. Donc, Cheikh dit « والأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى عشرة أشياء ذكرها ابن القيم رحمه الله وهي أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. » Donc, Cheikh dit parmi les causes qui, ou parmi les causes qui font que, ou parmi les choses qui font que Allah aime une personne, eh bien, il y en a 10 choses, et donc, il dit que le Cheikh Ibn al-Qayyim al-Jawziyah les a mentionnées, et elles sont comme suit. La première, de lire le Coran avec compréhension, et aussi, c'est-à-dire, avec méditation, de méditer sur ses sens, essayer de comprendre la signification, et d'essayer de comprendre aussi qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dire par ses paroles. Ensuite, le Cheikh dit « وَالثَّانِي التَّقَرُّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالنَّوَافِلِ بَعْدَ الْفَوَائِدِ » Donc, le Cheikh il mentionne comme deuxième point le fait d'essayer de se rapprocher d'Allah avec les actions qui sont surérogatoires ou complémentaires après avoir fait les obligations. Et ça, bien entendu, c'est basé sur un hadith bien connu dans lequel le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit من عداني وليا فقد آذنته بالحرب وما يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit celui qui prend ou qui s'oppose à un de mes serviteurs pieux, un de mes serviteurs rapprochés, eh bien, je lui ai déclaré la guerre. Et puis après, il dit, et mon serviteur ne s'approchera jamais de moi plus que par ce que je lui ai ordonné de faire. Puis ensuite, il dit, et mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi en faisant des actes complémentaires de ce supplémentaire jusqu'à ce que je l'aime. Donc ça montre que le fait de faire des actions qui sont surérogatoires ou supplémentaires, mais ça montre que le fait de faire ces actions là ça fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous aime. Après, le chef, il mentionne le point numéro 3, et puis il dit, الثالث, دوام ذكر الله على كل حال باللسان والقلب. باللسان والقلب والعمل. C'est-à-dire de continuellement se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les situations avec la langue, avec le cœur et par les actions. Ensuite, il mentionne comme quatrième cause إيثار ما يحبه الله على ما يحبه العبد عند تزاحم المحبتين. Donc le chef il mentionne, le quatrième point c'est de préférer ce que Allah aime par-dessus ce que nous aimons lorsque les deux sont en conflit. C'est-à-dire lorsqu'il y a, ou bien pas en conflit, mais lorsque les deux sont ensemble. C'est-à-dire on va dire que toi tu aimerais faire quelque chose, mais c'est que Allah s'en a là. Préfère que tu fasses une autre chose, alors parce qu'Allah est amené que les deux sont mis un à côté de l'autre, et bien, étant donné que tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala a une préférence sur un des deux choix que tu veux faire, alors tu mets celle que Allah subhanahu wa ta'ala préfère en premier, et ça va faire que Allah subhanahu wa ta'ala va t'aimer. C'est-à-dire de toujours placer ce qu'Allah aime avant ce que tu aimes pour toi-même, personnellement, même si ce que tu fais, ça fait partie des choses que Allah t'a permis ou t'a donné la permission de faire. Donc, dans ce cas-là, tu dois toujours essayer de chercher à faire ce que Allah aime. Et ça c'est normal, parce que lorsque j'aime quelqu'un, j'essaie de placer ce que cette personne-là aime au-dessus de ce que tu aimes pour toi-même. Et ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit dans un hadith: « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. » Aucun de vous n'est croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Le cinquième, Al-Khamis. التأمل في أسماء الله وصفاته وما تدل عليه من الكمال والجلال وما لها من الآثار الحميدة. Donc, c'est-à-dire de réfléchir et de méditer sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, de méditer sur les noms et sur ses attributs. Donc, de méditer sur les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sur ce que ces noms et ces attributs contiennent de signification, de perfection et de majesté, et pour voir aussi ce que ces noms et ces attributs ont comme effet glorifiable sur nous, bien entendu, et dans la création. Et ça, bien entendu, ça amène Allah subhanahu wa ta'ala à nous aimer aussi. Et qu'est-ce que le cheikh signifie par le fait de réfléchir sur ce que ces significations-là ont, en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien, c'est le fait de réfléchir, par exemple, sur chacun des noms ou des attributs d'Allah, et d'essayer de voir qu'est-ce que ces noms-là ont comme effet sur la foi d'un croyant. Par exemple, on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, il y a Al-Basir. Donc, qu'est-ce que signifie Al-Basir? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui voit tout. D'accord? Donc, lorsqu'on comprend que Allah subhanahu wa ta'ala voit tout, eh bien, on sait que Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de Al-Basir. C'est-à-dire, il a la vision. Il a la vue. Et lorsqu'on sait qu'il a cet attribut, il voit tout, toute chose, que sa vision est, bien entendu, que sa vision est parfaite, infinie, elle est parfaite, elle est infaillible, il voit tout, ce qui est petit, ce qui est grand, ce qui est grand, il voit tout ce qui existe, il voit ce qu'on voit, ce que personne ne peut voir. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, aucune chose peut échapper à sa vue. Sa vue est, contrairement à celle des créatures, elle est parfaite. Donc, nous les êtres humains, juste pour donner un exemple, on a besoin d'un microscope pour regarder des choses infiniment petites, très petites, Et encore là, il y a plein de choses qu'on n'est pas capable de voir, comme par exemple des atomes, des électrons, des protons, des neutrons, des choses comme ça. Arrivé à ce niveau-là, on est très, très, très limité et on rentre dans le domaine de l'imagination. Donc, on n'est pas seulement capable de les voir, on se reproduit ces choses-là par des modèles, et puis on est très loin de comprendre et de réaliser exactement qu'est-ce que ça signifie, comme dans la réalité, c'est ce que je veux dire. Alors que pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très clair, très facile, facile voir tout. Et la même chose, c'est voir des choses infiniment grandes, comme par exemple de voir l'univers. Quand on est ici dans l'univers, et bien c'est très difficile pour nous de voir la grandeur de ce qui nous entoure, parce que justement on est limité par notre limitation d'être humain et tout. Et donc on sait que Allah subhanahu wa ta'ala il voit tout. Et ça, quel effet ça va avoir sur un croyant? Ça va avoir une mission de comprendre que on doit toujours craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans n'importe quel endroit, n'importe quelle place qu'on peut être, même si on est à l'abri des regards des hommes, mais par contre on sait que on est à l'abri du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que peu importe où on est, et peu importe le fait qu'on soit isolé, eh bien on doit savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il n'y a rien qui peut nous cacher de lui, parce que pour lui, tout est clair et il voit tout. Donc, le fait d'avoir cette connaissance de cet attribut de ce nom et d'y réfléchir, eh bien ça augmente notre foi et ça nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça nous éloigne de ceux qui ne l'aiment pas et ça nous rapproche de ceux qui l'aiment. Donc ça, c'est une chose qui nous fait comprendre que on doit y aller toujours se rappeler et craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est l'exemple pour un seul des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors imaginez si on essaie de comprendre toutes les dimensions de ces noms et de ces attributs-là et de leurs effets sur le croyant. Donc, bien entendu, on arriverait à une définition ou à une compréhension vraiment plus profonde et on serait capable d'augmenter encore plus notre foi et de nous rapprocher encore plus d'Allah. Il n'y a pas de doute que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il nous aime encore plus de ce fait, hein, et qu'on le connaîtrait encore mieux. Après, il y a le sixième point, le cheikh il dit, السادس التأمل التأمل في نعم الله الظاهرة والباطنة ومشاهدة بره وإحسانه وإنعامه على عباده. Donc le sixième point, c'est le fait de méditer sur les miséricordes et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, les bienfaits apparents comme les bienfaits qui sont cachés, et d'en témoigner, c'est-à-dire de témoigner, comme il dit le cheikh, de témoigner de sa bonté et de sa générosité envers ses créateurs, et de voir comment il attend de bien faire pour ses serviteurs. Ensuite, il dit « السابع انكسار القلب بين يدي الله وافتقاره إليه » c'est-à-dire d'avoir le cœur brisé devant Allah subhanahu wa ta'ala, et d'avoir un besoin profond pour lui, c'est-à-dire de se sentir brisé devant Allah subhanahu wa ta'ala, de se sentir que, yani, sans Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a aucun secours, aucun aide possible, et que on a besoin absolument de lui, yani, et ça vient du fait justement, on a compris réellement Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms et ses attributs, et qu'on a compris que c'est toute chose revient à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc c'est à lui, en lui qu'il faut mettre notre confiance, et c'est à lui qu'il faut demander lorsqu'on a un problème ou quoi que ce soit de ce genre. الثاني le huitième point الخلوة بالله وقت النزول الخلوة بالله وقت النزول الإله حين يبقى ثلث الليل الأخير وتلاوة القرآن في هذا الوقت وختم ذلك بالاستغفار والتوبة. Donc le cheikh il mentionne comme huitième point le fait d'être seul avec Allah subhanahu wa ta'ala au moment où Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier des cieux, lorsqu'il ne reste que le troisième tiers de la nuit, c'est-à-dire le dernier tiers de la nuit avant l'aube, et puis de lire le Coran à ce moment-là, c'est-à-dire avant l'aube, ou avant le crépuscule, c'est la même chose, et de terminer tout cela avec une repentance et une demande de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de partir au neuvième, j'aimerais bien clarifier aussi la question en ce qui concerne le moment où Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier des cieux, c'est-à-dire le ciel de cette dunya, et une demande qui va nous demander que je lui réponde, etc. Donc dans le hadith, ça c'est le hadith que nous connaissons. Et donc, les ulama d'Ahl Sunnah al-Jama'a, ils ont accepté ce hadith, il est authentique, et ils l'ont accepté sans essayer d'imaginer comment Allah subhanahu wa ta'ala est, mais ils l'ont pris tel quel, sans déformer sa signification, sans lui donner une autre déformation, ou essayer de donner un autre sens à la signification de la descente d'Allah, comme certains parmi les gens de Bid'a, parmi Al-Asha'ira et d'autres, ont essayé de dire que non, c'est pas Allah qui descend, c'est les anges, ou c'est la miséricorde d'Allah qui descend, ou des choses de ce genre. Et bien entendu, le hadith lui-même réfute ces idées-là, parce que Allah, il dit lui-même, comme le prophète, il a mentionné dans le hadith, que Allah il demande au serviteur et qui va avoir un besoin pour que je lui donne ce qu'il me demande et qui va demander pardon pour que je lui pardonne. Donc bien entendu on sait très bien que l'ange ne peut pas pardonner personne puisque c'est seulement Allah qui peut pardonner et aussi c'est seulement à Allah seul qu'on a le droit de demander l'aide et non aux anges ou de demander par exemple à sa miséricorde. On demande à Allah seul. Et bien entendu, donc ça c'est clair que ces gens-là, les gens de Bid'a comme Al-Ash'ara et d'autres, parmi les gens qui ont suivi Al-Jahmiya et qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien, ils sont dans l'erreur à ce sujet. La position d'Ahl Sunnah, c'est de croire en ce hadith, comme tous les autres hadiths qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de les accepter comme ils sont, sans essayer de savoir comment est Allah subhanahu wa ta'ala, mais de croire en ces versets, tels quels, et dans ces hadiths-là, tels quels, et de dire, que rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala, et puis aussi de croire que il est tel qu'il s'est décrit lui-même ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sans essayer de savoir le comment et sans essayer de croire que Allah subhanahu wa ta'ala ressemble à quoi que ce soit de sa création, et sans aussi nier le sens de l'industrie du mot, c'est-à-dire respecter le mot nuzul, on sait tout ce que le mot nuzul en arabe signifie, c'est-à-dire descendre. Donc quelqu'un ne peut pas dire, essayer de trouver une autre signification à ce mot arabe-là, puisque en arabe c'est clair, au sens littéral. Ensuite, comme neuvième point, le cheikh il dit, Mujalasatu ahl al-khayr wa salafi, al-muhibbina lillahi azza wa jal, al-istifadati min kalamihim. Donc, comme neuvième chose qui nous approche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, il y a le fait de s'asseoir avec les gens de bien et les gens de réformation, c'est ceux qui font le bien sur terre et qui réforment les gens ou la société. Alors, ceux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala, et de profiter de leurs paroles et de ce qu'ils disent de bien. Et ça aussi, c'est une chose qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait que Allah subhanahu wa ta'ala va nous aimer. Et on peut donner l'exemple aussi de ça. Comme par exemple, lorsqu'on s'assoit avec un chef ou un alim ou dans un majlis, mais dès qu'on vient talab al-ilm ou des choses comme ça, qu'on s'assoit avec les chouyours et les ulama dans le but d'apprendre l'islam, dans le but de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ça, c'est des choses bien entendu qui aident à ce qu'on fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous aime encore plus. Mais ça, c'est même un des signes que Allah subhanahu wa ta'ala nous aime. Et par exemple, lorsque Allah aime quelqu'un, et bien entendu, il va lui faciliter le bien, et il va l'entourer de personnes qui vont lui rappeler du bien. Et bien entendu, ces choses-là vont être faciles pour lui, tandis que lorsque tu vois une personne entourée de personnes mauvaises, et des gens qui l'éloignent du rappel d'Allah, alors bien entendu, c'est un mauvais signe, parce que c'est un signe que cette personne-là, eh bien, peut-être que Allah, tant qu'il veut l'égarer du droit chemin, c'est pour ça que cette personne doit toujours demander pardon à Allah et demander à Allah de l'accompagner de bonnes personnes dans le but de, Inch'Allah, essayer de se rapprocher toujours de la vérité et du droit chemin. Et le prophète nous a toujours dit qu'on doit essayer toujours de rester avec les gens qui sont pieux et qui craignent et qui se rappellent d'Allah. Et comme le prophète a dit, المرء على دين خليله فلينظر أيكم من يخالل. Mais la personne sera sur la religion de son ami proche, alors que chacun de vous fasse attention à qui il prend pour compagnon ou pour bon ami, comme meilleur ami. Et il y a beaucoup d'autres hadiths qui donnent cet exemple, comme le hadith de la personne qui vend du parfum, mais Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé le bon compagnon au vendeur de parfum. Lorsque tu t'assois avec lui, eh bien, il te donne un peu de parfum. Et s'il ne t'en donne pas, bien, au moins, tu as senti sa bonne odeur. Tandis que le mauvais compagnon, il l'a comparé à quelqu'un qui vend du charbon ou quelque chose comme ça, qui vend du feu. Alors, premièrement, tu sens sa mauvaise odeur, et puis aussi, il risque, des choses de ce genre ici. Donc, il comparait ça, ces deux personnes, ces deux types de compagnons-là, au vendeur de parfum, et l'autre, il vend du charbon ou du feu ou des choses comme ça. Donc, on peut assez bien comprendre la comparaison, l'analogie, pour essayer de nous rapprocher toujours des gens du bien. Et après, le chef, il a mentionné comme dixième point, الابتعاد عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله من الشواغل. Donc, le chef, il dit, il faut aussi s'éloigner de toute chose qui pourrait se placer entre notre cœur et Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les préoccupations ou les distractions de ce monde. Donc, essayez de garder notre cœur entièrement fixé sur Allah subhanahu wa ta'ala, et de comprendre toujours que Allah subhanahu wa ta'ala c'est notre plus grande préoccupation et que on doit toujours essayer de se rappeler de lui et qu'il soit le centre de nos préoccupations et non les autres aspects de la dunya. Donc il ne faut pas qu'on donne à autre que Allah une préoccupation plus importante. Donc, on va arrêter ici. Inch'Allah, on va continuer après la salat, Inch'Allah. Oui. Non. Bon, moi je ne connais pas la différence entre les. Après, j'ai su que nous on suivait la ligne du prophète Ali Oui. Entre les. Ça, parce que eux aussi c'est du sunna, bien entendu, parce que dans le sens général, toute personne qui n'est pas chiite, qui n'est pas chiite, qui n'est pas chiite, c'est-à-dire toute personne qui dit Abu Bakr, Omar, Osman, Ali, toute personne qui dit ça fait la, les quatre khulafa, toute personne qui dit ça sont considérées dans le sens large comme étant le sunna. D'accord? Toute personne qui dit Ali doit être en premier, il est considéré comme le chien. D'accord? Mais là, en, par contre, il y a une autre question en ce qui concerne qui est-ce qui suit la sunna. Par exemple, c'est pas seulement entre sunna et chien qu'il y a une différence dans l'islam. Il y a beaucoup d'autres sectes qui ont dévié, qui ont quitté la sunna. Par exemple, Al-Khawarij, Al-Murji'a, Al-Qadariya, Al-Mu'tazila, Al-Jahmiya. Al-Qadariya, ça c'est récent. Moi je te parle des sectes qui ont commencé 200 ans, 300 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est les premières, les, comme on appelle, ru'us al-bid'ah. Les têtes des bid'ah. Les plus importantes. Et c'est de ces bid'ah-là que les autres ont déculé. Tu comprends? Tous les autres sont déculés. Et la plupart des gens qui vont amener ces textes-là, c'était soit des chrétiens convertis à l'islam, ou des juifs convertis à l'islam, ou des gens d'autres religions qui sont convertis à l'islam et qui ont commencé à créer des conflits comme ça sur ces croyances-là. Dans, à l'intérieur parmi les musulmans. Tu comprends? Donc ça c'est une chose, mais, quelqu'un a demandé à un des salafs a demandé à un cheikh, un des chouïrs à cette époque, parmi les salafs, il disait qui est le sunni? C'est qui le sunni? Il a dit le sunni, c'est celui que lorsqu'on lui mentionne des choses contre l'Illa, ou contre une secte en particulier, il ne va pas se fâcher. Il ne se fâche pas pour aucune de ces sectes. Parce que quelqu'un qui suit une bid'a, quand on critique sa bid'a, il se fâche. Donc, pour savoir qui est un sunni, tu regardes la réaction de la personne quand tu critiques sa bid'a. S'il se fâche, ça dit que c'est une des personnes qui suit cette bid'a. Il n'est pas sunni. Mais celui quand on critique la sunna, il se fâche, c'est lui qui est le sunni. D'accord? Quand tu dis c'est une sunna dans un hadith authentique et il se fâche, là il y a un problème. Tu vois, tu vois, donc c'est ça. Si le problème avec ces gens-là, comme Sophia ou les autres, s'ils se limitaient seulement au Coran et à la Sunna, on n'aurait aucun problème avec les Sophia. Le problème, c'est qu'ils ne se limitent pas au Coran et à la Sunna. Ils dépassent le Coran et la Sunna. Le Coran et la Sunna. Oui, ils ont d'autres références ici. Ils suivent leur chiour. Ils prennent leur chiour au-dessus du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parfois. Ils lisent le Coran. Ils le lisent, même ils le mémorisent. Ils le savent par cœur. Sauf que pour eux, ils le lisent tout à baruch pour avoir le baraka, pour avoir la récompense. Et ils le lisent peut-être aussi selon une autre interprétation. Bon, ok. Parce que ces gens-là, moi je veux parler de ces gens-là. Même si c'est dans le Coran, c'est comment il dit ce verset là? Je ne sais pas. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الله سبحانه وتعالى ذات الرسالة دي محمد لما سجد الله et ceux qui sont avec lui, yani les sahaba, ils sont durs envers les non-croyants et ils sont miséricordieux envers eux. Ça rentre même dans le cours de la semaine passée qu'on expliquait comment Allah a décrit les croyants. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Et tu les vois se prosterner constamment et s'incliner. Ils recherchent d'Allah il recherche la faveur d'Allah SWT et sa satisfaction. Cette question, qu'est-ce que le cœur mentionne ici? C'est vraiment, c'est ça le cœur. Parce qu'il y a deux façons d'approcher ces gens-là. Soit on pense à leurs attitudes et à leurs actions. Parce qu'on voit les gens faire quelque chose. Il y a deux possibilités. D'accord? Ils le font, ils disent quoi? Donc, nous, comment on se place vis-à-vis de ça? Soit qu'on dit, Yanni, qu'ils le font et qu'ils ont une preuve, ou qu'ils le font et qu'ils n'ont pas de preuve, mais qu'ils sont aveuglés, Yanni. Tu comprends? Donc, s'ils ont une preuve pour qu'est-ce qu'ils font et qu'ils nous la présentent, on n'a pas le choix de l'accepter si elle est vraie. D'accord? Et donc, nous, on dit à ces gens-là, Sophia et les autres, si vous avez une preuve claire du Coran et de la Sunna, ou qui est un hadith authentique, ou une ayah dans le Coran, et que vous nous l'apportez, on doit l'accepter. On doit l'accepter. Sauf que, si vous nous apportez des choses comme ça, sans présenter aucune preuve, c'est soit que vous, yani, vous avez été mieux guidé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le sahaba, parce que vous apportez des choses que eux n'ont jamais fait. Donc, soit que vous croyez que vous êtes meilleur qu'eux, ou soit que vous ouvrez une porte vers l'égarement. Et ça, c'est les paroles de Ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Quand il est entré dans la mosquée, et il a trouvé des gens assis en cercle, et un homme au milieu de chaque cercle qui compte des pierres, et lui, il dit aux gens, Bismillah, là tout le monde dit, Bismillah, et là ils comptent une fois, deux fois, trois fois, ils comptent un nombre de fois. Après quand ils ont fini, ils disent Alhamdulillah, et là les autres ils commencent à dire Alhamdulillah, tous ensemble, en groupe, un nombre de fois, et après ils commencent Allahu Akbar, de toute façon. Alors, un des sahaba, je ne me souviens plus si c'était Abu Ayyub al-Ansari ou un autre, il est dit, je vais aller voir Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud, c'était un des grands savants parmi les Sahaba. Alors, il dit, je vais aller voir Ibn Mas'ud pour l'avertir que c'est ça. Alors, il est allé voir Ibn Mas'ud. Il a dit, Ibn Mas'ud, j'ai vu quelque chose dans la mosquée. J'ai vu déjà en train de faire quelque chose. Je voudrais que tu viennes pour voir. Alors, il a dit, d'accord. Il est arrivé dans la mosquée. Il a trouvé déjà faire exactement ce que le Sahabi avait décrit. Alors, il a dit, Ibn Mas'ud, il a dit, qu'est-ce que vous faites maintenant? Il a dit, on fait rien, on fait juste. Il s'est rappelé d'Allah. Il a dit, et là, Ibn Mas'ud, qu'est-ce qu'il a dit donc? Il a dit, et après, il a dit à Ibn Mas'ud, il a dit, on n'a rien voulu, on n'a rien fait. On a fait ça seulement avec une bonne intention. On voulait seulement faire le bien. Et Ibn Mas'ud lui a dit, combien de personnes veulent faire le bien et qu'ils n'arrivent jamais à le faire? Ils n'y arrivent jamais. Pourquoi? Parce que ils ne suivent pas la sunna. Et donc, faire le bien, si tu ne le fais pas à la façon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est comme s'il y a un problème dans ton adoration. Et là, Ibn Mas'ud lui a dit, soit que qu'est-ce que vous faites? Vous êtes meilleur que les sahaba, ou soit que vous ouvrez une porte vers le garment. Et après, il y a une voilà. C'est pour ça que autant des sahaba, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu cette situation-là où il y avait les grands sahaba, les savants parmi eux, et des nouveaux musulmans qui se sont convertis à l'islam. À un certain moment donné, les nouveaux convertis voulaient se prendre plus savants que les grands sahaba. Et ils voulaient être plus forts dans l'islam que eux. Et là, c'est ça qui les a poussés à tomber dans des formes extrémistes. Ouais, comme les Khawarij, comme d'autres parmi eux. Et ils ont commencé à prendre les armes contre les sahaba. Ils essayaient de les combattre. Et ils disaient aux sahaba que les sahaba étaient les plus forts. Subhanallah. Alors c'est pour ça que parmi eux, comme je l'ai déjà expliqué une fois, celui qui a tué Ali et de la Bopal, c'est un Khalidi. Il l'a tué le matin quand ils sont allés à la mosquée. Il l'a poignardé. Donc c'est pour voir que quand des gens ne suivent pas la Sunna, ils s'éloignent de la voie de Sahaba, c'est ça qui arrive. Yani, qui veut dire Ali ibn Abi Talib, c'était le quatrième des Khulafa de l'Islam, c'était le neveu du prophète, c'était le mari de Fatima, la fille du prophète, le père de Hassan al-Hussein, c'était un des premiers à avoir accepté l'Islam parmi les musulmans. Yani, celui qui parle contre Ali ibn Abi Talib, qui dit du mal de lui, qu'il n'aime pas, yani, il n'a pas de fait que c'est un hypocrite, que c'est quelqu'un qui yani, hein, il a un problème dans sa foi. Sauf que yani, les gens qui ont inventé des mensonges sur Ali, il y a les deux extrêmes. Il y a ceux qui ont glorifié Ali à un point de l'élever au-dessus du prophète, et il y a les autres qui l'ont rabaissé, qui l'ont insulté, et ça, c'est deux extrêmes. Et les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a, nous, on est au juste milieu dans cette question. On le met à sa juste position. Sans exagérer et sans le diminuer. C'est comme ça. Hein? Donc, il y a ça. Mais pour revenir à nous, on peut juste terminer la partie, puis après, on va revenir à ce sujet, Inch'Allah. Donc, le point numéro 10, le cheikh, il dit, l'achir, الابتعاد عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله من الشواغل ومن توابع محبة الله ومن لوازمها محبة رسوله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il dit, le dixième point c'est de s'éloigner de toute cause qui pourrait se mettre entre notre cœur et Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les occupations. Il y a des occupations ou des choses qui occupent notre cœur et qui l'éloignent du rappel d'Allah, hein, des préoccupations et des choses comme ça. Eh bien, il faut essayer de faire en sorte que ces préoccupations-là ne se mettent pas entre notre cœur et Allah. Hein, très important. Après, le cheikh il dit وَمِنْ تَوَابِعِي محبة الله ولوازمها محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, une des choses qui viennent ensemble avec, une des choses qui sont en relation, qui suivent l'amour d'Allah سبحانه وتعالى et qui en font partie, c'est d'aimer le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, comme ça a été rapporté dans Al-Bukhari et Muslim. Selon Anas ibn Malik رضي الله عنه, il dit أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, personne d'entre vous n'est croyant tant qu'il ne m'a pas aimé ou tant que je ne suis pas aimé de lui plus que son enfant, que son père et que tous les hommes, ou tous les gens, لا يؤمن الإيمان الكامل إلا من كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وأقرب الناس إليه. Donc le chef explique ce hadith, il dit celui qui n'a pas aimé le prophète صلى الله عليه وسلم plus que les gens et même plus que ceux qui sont les plus proches de lui, de sa famille, eh bien, il n'a pas eu la foi, sa foi n'est pas complète. Et après, il dit, وَمَحَبَّةُ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَابِعَةٌ لِمَحَبَّةِ اللَّهِ وَمُلَازِمَةٌ لَهَا. Donc, l'amour du messager d'Allah, صلى الله عليه وسلم, eh bien, elle suit l'amour d'Allah, صلى الله عليه وسلم, et elle ne peut pas se séparer. Elles doivent venir ensemble. ومن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم اتبعه فمن ادعى محبته عليه صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ومن ادعى محبته عليه محبته عليه الصلاة والسلام وهو يخالفه فيما جاء به فيطيع غيره من المنحرفين والمبتدعين والمخرفين فيحيي البدع ويترك السنن فهو كاذب في دعواه أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن المحب يطيع محبوبه. Le chef il dit ensuite, celui qui a aimé le prophète, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, alors il le suit. Celui qui l'aime, il le suit. Et celui qui prétend l'aimer, alors qu'il suit ceux qui le contredisent, ou qui suit ce qui est contraire à ce qu'il a amené, ce que le messager a amené, et qui obéit aux gens qui sont déviés et qui font des innovations dans l'islam, ou qui font des superstitions, et qui font revivre les bid'ahs, et qui laissent tomber la sunna, alors ceux-là qui font ça sont menteurs dans leur prétention qu'ils aiment le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que celui qui aime quelqu'un, eh bien, il l'obéit. Ça fait partie de la notion même d'aimer quelqu'un. Hein? Et si vous l'obéissez à Allah, vous allez être bien guidé. Allah dit ça dans le Coran. Après, le cheikh dit الَّذِينَ يَحْدِثُونَ الْبِدَعَ الْمُخَالِفَةُ لِسُنَّةِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ بِإِحْيَاءِ الْمَوَالِدِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْبِدَعَ أَوْ يَفْعَلُونَ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْغُلُوِ فِي النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ودعائه من دون الله وطلب المدد منه والاستغاثة به مع هذا يدعون أنهم يحبونه فهذا من أعظم الكذب وهم كالذين قال الله فيهم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأمور وقد خالفوا نهيه وارتكبوا معصيته وهم يدعون أنهم يحبونه فكذبوا نسأل الله العافية. Donc le cheikh dans ce dernier passage nous dit ceux qui inventent des innovations dans la religion et qui contredisent et qui vont en contradiction avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant des fêtes en célébrant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui font d'autres bid'ahs de ce genre, d'autres innovations de ce genre, ou qui font par exemple ce qui est plus grave que ça encore, comme par exemple d'exagérer au sujet de la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'invoquant en dehors d'Allah et en lui demandant de nous donner une subsistance ou une victoire ou quoi que ce soit, ou de nous venir en aide ou en secours dans les moments de détresse, et qui prétendent que ça, c'est de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ces gens-là, ils ont fait la plus grande forme de mensonge qui est possible, et ils sont comme ceux qui, au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et ils disent avec leur bouche, nous croyons en Allah et au messager, et nous croyons en Allah et au messager, et nous obéissons. Puis ensuite, un groupe d'entre eux se détourne. Un groupe parmi eux se détourne. Et Allah a dit après, وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. Et ce ne sont pas ceux-là les croyants. On voit beaucoup de gens comme ça aujourd'hui. Ils disent, oui, je crois en Allah, je crois en messager et j'obéis. Et puis, tu vois un groupe parmi eux qui se détourne et qui suit autre chose. Donc Allah dit à propos de ces gens-là, c'est pas ceux-là les croyants. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأمور. كما تقولون que ce que vous faites, c'est parce que vous aimez le prophète صلى الله عليه وسلم que vous le faites, alors que le prophète a interdit de les faire. C'est contradictoire. Il dit, on fait le prophète صلى الله عليه وسلم et on l'invoque, on lui demande de nous aider parce qu'on l'aime. soit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire ça, et il a demandé de demander à Allah seul. Alors si vous l'aimez, alors vous devez demander à Allah directement et laisser tomber tout ce qui est contradictoire à sa sunnah. Alors celui qui, donc ils ont contredit son interdiction et ils ont fait la désobéissance et ils prétendent de l'aimer, alors c'est comme ça qu'ils ont menti et on demande à Allah yani, son pardon. Nasrullah al-Afiyah. Donc ça termine l'exemple du shirk quand il parle de le shirk dans l'amour d'Allah ta'ala, ou le shirk dans l'amour. Et la semaine prochaine, inshallah, on va parler de shirk de tawassul, du shirk quand on doit mettre notre confiance en Allah. Donc les exemples de shirk qui concernent le tawassul. Donc ça va être très intéressant. Et puis après, il y a la shirk de ta'a. Ça aussi, c'est très intéressant. Et puis après, il va mentionner d'autres exemples.